Toutes les descriptions que ses contemporains proposent de David Hume donnent envie de le connaître et de dîner avec lui. Philosophe, mais aussi homme de lettres, historien et politique, Hume tient surtout la flamme des Lumières écossaises. En plein XVIIIe siècle, il met au point une philosophie des plus sceptiques. Qui suis-je? Où suis-je? Et que fais-je? Autant de questions sans réponse que Hume est loin d'être le seul à formuler. Éteins le lampadaire, éteins le plafonnier. Éteins la cuisine, mets la sécurité. Un couloir, une porte. C'est la nuit, quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Mais où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras. Bonjour Franck Salin. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Qui es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? On passe notre temps, comme Catherine Ringer et Bernard Lavilliers, à nous poser ces questions. Mais alors, ce que Hume nous dit, c'est que nous n'aurons jamais la réponse à ces questions. C'est ça le scepticisme? Oui, alors le scepticisme de Hume est présenté comme un scepticisme mitigé. Alors c'est un petit peu curieux comme formulation, puisqu'on s'attendrait justement à ce que ça soit radical, c'est-à-dire le scepticisme, c'est l'attitude de pensée qui met en avant le doute, le fait qu'on ne peut pas adopter un jugement définitif sur une réalité. Mais, et c'est certainement ce qui est le plus frappant quand on travaille sur Hume, c'est que d'un côté, sur le plan de la spéculation, il remet absolument tout en question, et de l'autre, s'agissant de sa propre vie, pour commencer, eh bien, il dit qu'il s'arrange très bien avec ses amis, qu'il arrive à s'épanouir, effectivement, qu'il aime beaucoup manger. Il y a un portrait de Hume très célèbre qui est dû à Alan Ramsay et qui se trouve au Musée national écossais, où on le voit effectivement très corpulent, et c'est la réputation qu'il avait d'être très posé, très modéré. Hein. Donc c'est un scepticisme radical. Et une attitude de vie modérée, c'est ça qui est un petit peu surprenant. Mais si on va un tout petit peu plus loin du côté du scepticisme, c'est surtout la dimension finalement thérapeutique qui intéresse Hume dans l'attitude sceptique. C'est-à-dire, il s'agit d'abord d'éliminer toutes les idées infondées, trompeuses de l'ancienne métaphysique. Finalement, l'ennemi sur le plan spéculatif, ce sont les idées abstraites, qui n'ont plus grand rapport, qui n'ont plus du tout de rapport avec l'expérience. L'expérience étant au contraire le point de départ de toute connaissance pour Hume comme pour Newton. Ce qui introduit un nouveau départ en philosophie, et nombreux sont les philosophes qui vont lui rendre hommage après coup. On a toute la semaine pour essayer de penser cet apport de Hume à la philosophie. Franck Salin, vous êtes professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université de Montpellier, vous êtes aussi philosophe, vous avez écrit un ouvrage sur Hume qui s'appelle « L'identité personnelle » paru aux éditions PUF en 2003, et vous avez aussi beaucoup travaillé sur Diderot, sur les Lumières françaises. J'ai dit que Hume appartenait aux Lumières écossaises. Comment est-ce qu'on les définit, ces Lumières écossaises? Comment est-ce qu'elles sont différentes des Lumières dites françaises? Alors, j'imagine qu'il faudrait toute une semaine pour les présenter, oui, mais rapidement. C'est une question évidemment très importante, difficile en vérité, car les historiens ne sont pas d'accord entre eux, et les Lumières ont souvent été associées au mouvement intellectuel et culturel qui s'est développé en France dans la seconde partie du XVIIIe siècle. Mais ça, c'était déjà une façon d'écrire l'histoire. Et par la suite, plusieurs pays, plusieurs nations ont revendiqué des Lumières aussi, et au premier rang desquelles l'Écosse, parce qu'il y a eu dans la seconde partie, enfin au cours du XVIIIe siècle et avec une plus forte intensité dans la seconde partie du XVIIIe siècle, toute une série de grands penseurs écossais. Hume est certainement le plus philosophe de la bande avec Hutcheson. Donc voilà, oui, on peut effectivement parler des Écossais qui ont participé au mouvement des Lumières. Alors la question de savoir s'il faut parler de Lumière écossaise est une autre question. Ah, on n'est pas sûr sur... certains contestent l'appellation de Lumière écossaise. C'est-à-dire que ça revient à nationaliser un petit peu le débat. La question étant de savoir si c'est un mouvement transnational ou bien si on a des écoles, des foyers dans différents pays, l'Écosse, l'Italie, l'Allemagne, la France pour l'essentiel. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un groupe d'intellectuels écossais qui contemporains de Hume, qui ont produit une sorte d'émulation intellectuelle, et le groupe dans lequel on trouve Adam Smith, Adam Ferguson notamment, le père de la sociologie, William Robertson, l'historien, et que cette pluridisciplinarité est caractéristique de l'esprit du temps. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est-à-dire que, à plus d'un titre, il est logique de faire le rapprochement entre le courant qu'on a appelé les Lumières et puis ces intellectuels. Et d'ailleurs, les passerelles existent. Hein, ils se sont lus entre eux. Hume a passé beaucoup de temps en France. Il a été très bien accueilli par la secte holbachique, par les encyclopédistes, par Diderot. Et d'ailleurs, ce qu'on sait de ces rencontres est très révélateur, puisque, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan de la spéculation, Hume va très loin. Mais dans l'affirmation de ses idées en société, il semble plutôt méfiant, prudent, voire timoré. On raconte que lorsqu'il est allé dans les salons parisiens, sans doute dans le salon du baron d'Holbach, eh bien, il est en bon sceptique. Il aurait dit qu'il n'avait jamais rencontré d'athée. Mais bien sûr, sur le plan philosophique, ça pose la question de savoir ce que ça pourrait bien vouloir dire de s'affirmer athée. À quoi croit-on quand on dit qu'on est athée ? Et on lui aurait rétorqué, donc d'Holbach lui aurait rétorqué, « Monsieur, comptez combien nous sommes ici, nous étions 18 », raconte Diderot. Le baron ajouta, « Il n'est pas malheureux de pouvoir vous en montrer 15 du premier coup. Les trois autres ne savent qu'en penser ». Hein? Donc d'un côté, on a un penseur qui a déjà la réputation d'être un penseur très important. Hein? Hume a été identifié comme un très grand historien et un penseur important, mais il n'a pas encore l'habitude des audaces de penser dans la vie réelle ou dans la société qu'il va rencontrer dans le salon du baron d'Holbach à Paris. Et est-ce lors de ce séjour en France qu'il va ramener Rousseau dans ses bagages, si j'ose dire, Rousseau que tout le monde déteste à ce moment-là et à qui il propose l'hospitalité? Oui, c'est après son séjour parisien, il va offrir l'hospitalité à Rousseau, et bon, les choses vont mal se passer puisque Rousseau... Elle se passe toujours mal avec Rousseau au bout d'un moment. Va croire que Hume a fait courir sur lui des rumeurs et qu'il est donc entré à son tour dans le complot qu'il imagine être ourdi par les philosophes français, au premier rang desquels Diderot. Hein, il s'imagine que Diderot, mais Grimm surtout, Grimm l'ami de Diderot. Donc il pense que prétendument protégé par Hume, il serait encore persécuté par ses ennemis parisiens. Alors écoutons et découvrons la plume de David Hume, ici bien sûr dans une traduction de Gilles Robel, un texte autobiographique dans lequel Hume propose son portrait, son autoportrait. Écoutez comment il écrit, écoutez la façon qu'il a de se présenter, c'est comme une sorte d'apéritif à la pensée et au scepticisme qu'on va essayer de déployer ensemble ensuite, Franck Salin. Je suis, ou plutôt j'étais, car c'est de cette façon que je dois désormais parler de moi, ce qui me donne plus de hardiesse pour exposer mon sentiment. J'étais, dis-je, un homme de disposition douce, d'un tempérament égal, d'humeur ouverte, sociale et gaie, capable d'attachement mais peu susceptible d'inimitié, et de grande modération dans toutes mes passions. Même mon amour de la gloire littéraire, ma passion dominante, n'a jamais aigri mon tempérament en dépit de mes nombreuses déconvenues. Ma compagnie ne fut insupportable ni aux esprits jeunes et insouciants, ni aux esprits lettrés et studieux. Et comme je pris un plaisir particulier à la compagnie des honnêtes femmes, je n'eus pas lieu d'être fâché de la façon dont elles me reçurent. En un mot, quoique la plupart des hommes de quelque distinction aient eu des raisons de se plaindre de la calomnie, je ne fus jamais atteint ni même soumis à sa funeste morsure. Et bien que je me fusse exposé par jeu à la rage des factions civiles et religieuses, elles semblèrent dépourvues à mon encontre de leur fureur habituelle. Je ne nierai pas qu'il y a quelque vanité de ma part à écrire ainsi mon oraison funèbre. J'espère seulement qu'elle n'est point déplacée. La délicatesse de ce ton est celle de David Hume sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. David Hume qui nous accompagne cette semaine jusqu'à jeudi. Aujourd'hui en compagnie du philosophe Franck Salahin. David Hume, alors on ne sait pas tout de lui. Ce que l'on sait pour sûr, c'est qu'il est né en 1711, mort en 1776, et que de son vivant, ce n'est pas en tant que philosophe qu'il était le plus reconnu, mais en tant qu'historien. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que Hume n'a pas trouvé de poste à l'université d'Édimbourg où il avait candidaté et qu'après différentes fonctions, il a obtenu un poste de conservateur à la bibliothèque d'Édimbourg, lieu idéal pour écrire une histoire de l'Angleterre. Et cette histoire de l'Angleterre a fait beaucoup de bruit. On lui a reproché bien sûr sa façon de présenter les rapports entre les courants religieux, mais cette histoire a aussi dépassé les frontières de l'Écosse et de la Grande-Bretagne. Et en France aussi, il était connu, en France et en Europe, hein, il était connu, et ensuite en Amérique, il était connu en tant qu'historien, hein, on le voyait. Mais c'est un historien qu'on se représentait tout de même comme un historien philosophe, hein, une histoire philosophique en quelque sorte. En tout cas, il est vrai que c'est l'ouvrage qui était au départ le plus connu, mais assez rapidement, on a connu tout de même aussi et traduit bientôt certains de ses essais, en français notamment. Alors plus, par contre, le traité de la nature humaine était très peu connu. Alors comment expliquez-vous que philosophiquement ces textes étaient si peu lus? Alors bon, il y a plusieurs raisons. Il y a la première réception en langue anglaise. Le traité de la nature humaine est un texte difficile à lire. Je le confirme. Et en plus, sa modernité, son originalité, n'apparaissent pas forcément au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir l'impression, lorsqu'on lisait ce texte à l'époque, qu'il était maladroit. C'est-à-dire que si on compare l'ouvrage de Hume, par exemple, à celui de Descartes, ou un ouvrage de Descartes, on peut avoir, ou d'un autre, hein, ou de Berkeley même, eh bien, on peut avoir l'impression que l'auteur ne sait pas très bien où il va. Alors que c'est ça qui plaît aux philosophes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit tout le mouvement de la pensée, tous les obstacles et la façon dont à chaque fois Hume reprend tous les ingrédients, tous les éléments pour expliquer pourquoi on se fait des illusions lorsqu'on parle par exemple de substance ou de l'immortalité, toute une série de notions, ou même de la causalité sans autre explication. Donc ce qui était difficile à comprendre, c'était ça, c'est-à-dire la méthode humienne. Et du coup, c'est une longue histoire, mais il a changé de façon d'écrire. Et c'était une question de style, c'est sa conclusion. C'est-à-dire que non, c'est une question de fond, c'est le fond qui n'a pas été bien compris, et quand il a été compris, il a choqué. Parce que Hume remettait en question tous les fondements de la métaphysique. Et il faisait aussi reculer la possibilité d'un fondement théologique. Non seulement on ne peut pas s'appuyer sur une idée fixe de la raison, mais on ne peut pas non plus prétendre s'appuyer sur la création, sur le fait que tout ce qui nous entoure serait forcément le résultat d'une volonté supérieure. Parce qu'on n'arrive même pas à expliquer nos propres idées. Alors comment pourrait-on expliquer l'origine du monde, etc. Donc oui, il y a donc deux raisons initiales, la rupture avec la façon traditionnelle de faire de la philosophie, et puis malgré tout, un décalage, à mon avis du moins, entre ce que Hume profondément voulait faire et ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, il le dit lui-même, hein, il a eu le sentiment que c'était plus un problème effectivement de style que de pensée. Donc c'était plus la manière que la matière. Mm-hmm. C'est-à-dire, il le dit en anglais, matter. C'était plus la façon de le faire que la matière, le contenu du texte. Et donc par la suite, il a renoncé. Il n'a plus écrit de traité. Mais alors, bon, il y réfléchit lui-même. Est-ce que c'est pure vanité? Est-ce que c'est la déception, alors que j'avais beaucoup travaillé? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je pense qu'il y a autre chose. En réalité, si on y pense longtemps, c'était contradictoire d'écrire un traité pour un philosophe sceptique. Car ça donnait l'impression qu'on allait arriver à des conclusions. Donc c'était déceptif. Le texte donnait le sentiment qu'on allait avoir à chaque fois un problème examiné, puis une conclusion. Et en réalité, au terme de l'examen, il n'y avait jamais de conclusion. Donc le traité n'était pas adéquat pour montrer ça. Ensuite, il adopte la forme de l'essai et la forme du dialogue, qui appartiennent à la grande tradition sceptique. Et le même cheminement se trouve chez Diderot. Hein. Il n'y a pas de traité, quasiment pas de traité chez Diderot. Il adopte toutes sortes d'autres formes. Mais est-ce que ça veut dire que une réflexion sceptique ne peut pas, par définition, avoir de conclusion? Et aussi, ben voilà, pour conclusion, que on n'atteint pas d'idée fixe ou de vérité absolue. Ça peut être une conclusion. Alors les conclusions de Hume sont d'autant plus surprenantes, et on en a eu un aperçu dans l'autobiographie. Quand il parle de lui-même, il insiste, d'abord il accepte de parler de lui-même. Donc il dit qu'il est difficile de parler longuement de soi. Donc il accepte l'idée qu'il y a quand même une forme d'unité, ce qui peut sembler surprenant quand on a lu ses développements sur l'identité personnelle. On va y venir, oui, parce qu'il ne croit pas à l'idée même du moi comme substance, oui. Évidemment. Par ailleurs, il emploie plusieurs fois le terme tempérament. Hein, donc d'un côté, pour ce qui est du fondement rationnel de nos idées, il explique à quel point les philosophes se sont trompés. Alors on pourrait lui objecter, mais alors comment? C'est l'objection qu'on faisait traditionnellement et depuis l'Antiquité aux sceptiques. Hein. Si vous ne pouvez trancher sur rien, vous ne pouvez pas vivre. Vivre, c'est faire des choix, c'est bon, avoir des préférences, etc. Hiérarchiser les principes. Bon, mais lui n'a jamais eu ce problème-là. Il a toujours considéré qu'il y avait deux orientations de l'existence, la spéculation et la vie pratique. Et il revient. Donc souvent la conclusion c'est celle-là. Hein? Après de longues spéculations qui m'ont rendu mélancolique, eh bien je retourne aux choses de la vie courante. Et là, je n'ai plus aucune difficulté. Et je finis par trouver ça frivole. Hein? C'est ce qu'il dit notamment dans le traité. Donc après ces longues méditations, que fait-il? Je dîne, je fais une partie de jacquet, je converse et me réjouis avec des amis. Et quand, après 3 ou 4 heures d'amusement, je veux reprendre ces spéculations, elles m'apparaissent si froides, si forcées et si ridicules que je ne peux pas trouver le cœur de les poursuivre plus avant. Il y a cette double dimension. C'est le sceptique, l'est surtout sur le plan de la spéculation. Et il est de manière radicale, venons-y quand même, une manière de présenter l'apport de son traité de la nature humaine, c'est la remise en question totale de l'existence même de substance, de l'idée même de substance d'ailleurs, et même de la possibilité même de prouver que quelque chose existe en elle-même. En clair, depuis le début de l'histoire de la philosophie, ou même de la métaphysique au sens classique, les philosophes ne cessent de méditer sur l'être, sur les objets, sur le moi, sur Dieu. Et Hume dit, mais rien ne prouve que le mot « être » renvoie véritablement à une existence extérieure à moi. Et de cette mise en question, cette suspension du lien entre le mot et la réalité, eh bien découle toute une nouvelle manière de philosopher, car alors on ne peut plus parler de rien. Oui, alors c'est le principe de la philosophie expérimentale. Hume dit qu'il va appliquer à la philosophie morale, il emploie l'expression philosophie morale, le principe newtonien, et qu'il va placer l'expérience à la base de tout, mais pas pour construire un nouveau système métaphysique, mais pour réévaluer au fond les anciens principes. Donc c'est le contraire, pour présenter les choses schématiquement, de ce que fait Descartes. Hume écrit un anti-méditation métaphysique ou un contre essai par rapport aux méditations métaphysiques. C'est-à-dire que pour lui, il y a une illusion fondamentale à croire que le sujet pourrait prouver quoi que ce soit sur lui-même de façon absolue. Ce que fait Descartes, hein. Oui. Je pense donc je suis, ça veut dire comme le fondement de ma pensée est moi en tant que substance, en tant qu'existant. Et a fortiori le monde extérieur. Donc il y a une difficulté qui est toujours centrale pour la philosophie, mais au moins autant pour les sciences humaines. C'est-à-dire que le sujet qui observe, qui réfléchit, est lui-même objet d'étude. Donc il faut étudier à partir d'un esprit qu'il nous faudrait d'abord pouvoir comprendre. D'où cette idée de Hume de foncer sur la capitale. Donc au lieu, au début du traité de la nature humaine, il dit au lieu de s'occuper de sujets annexes, allons au cœur du problème. Or le cœur du problème, c'est que nous ne savons pas ce que c'est que de se former des idées. Comment se fait-il que nous avons des idées sur le monde extérieur ? C'est vertigineux comme question, parce qu'on s'interroge pas généralement sur l'origine de nos idées. Voilà. Et lui dit les idées viennent des sensations. Oui, il y a deux types d'informations. Il y a les impressions qui sont plus vives, et puis les idées qui sont des perceptions plus modérées, qui font moins d'effet. Et du coup, en appliquant le principe de l'expérience à tout, eh bien, on en arrive, selon une démarche sceptique, à poser la question de savoir s'il est possible de faire l'expérience de soi-même. Puisqu'on nous dit qu'il y a un sujet pensant et qui serait peut-être une substance. Où est-il ce sujet ? A-t-il un lieu ? Occupe-t-il un espace ? C'est la raison pour laquelle ensuite il prendra l'analogie, il proposera l'analogie avec le théâtre. Il dit que nos représentations sont comme sur un théâtre, on les voit passer. Et il voit bien la difficulté, puisque les analogies, il faut s'en méfier. Si c'était comme un théâtre, si l'esprit était comme un théâtre, alors il correspondrait à un lieu. Et Hume s'empresse de dire « Oh, oh, oh, attention, ce n'était qu'une analogie. Je ne veux pas dire que le sujet est comme un théâtre, sinon il serait observable. » C'est ça la difficulté, c'est que l'esprit n'est pas observable, c'est une action finalement. Alors faisons l'expérience précisément, essayons d'ouvrir ou de pénétrer dans l'esprit d'une petite fille, appelons-la Riley, qui rentre de l'école. Elle vient de déménager et ses parents lui demandent comment s'est passée cette première journée à l'école. Et dans l'esprit de Riley, eh bien, se trouvent plusieurs petits personnages, enfin des personnages, des sensations, des émotions, la colère, le dégoût, la joie, la tristesse, qui vont se disputer pour essayer de savoir qui va prendre le dessus et comment Riley doit répondre à la question de sa mère. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école ? Bien. Enfin, je crois. Oh, je sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un ? Vous avez vu ce que j'ai vu ? Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Ah ! Alors, Riley, ça a été l'école ? Et c'est ça qu'on a préféré à notre pilote hélico brésilien ? Tout s'est bien passé, ok ? Mais qu'est-ce que t'en fais ? T'avais dit qu'il fallait la jouer cool ! Riley, ça va ? Tu es sûr ? Oh ! Chef, elle vient de lever les yeux au ciel, chef ! Très bien, salve d'intimidation avant de devoir taper du poing sur la table. Oh non, pas de violence ! Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Ah, t'aimes pas ça ? Tu vas te non, servir ! Non, non, non, respire ! C'est quoi ton problème ? Laisse-moi tranquille ! Niveau d'insolence critique, chef ! Déclenchez le plan Vigifurax 2 ! Vigifurax 2 ! Attention, Riley, si tu continues à répondre sur ce ton-là, je vais me fâcher. T'en demandes, papa ? Quoi ? Moi ? Mais... Armez le poing ! Double clé en position ! Paré à taper du poing sur la table ! La ferme ! Oh ! Ça suffit ! Monte dans ta chambre ! C'est où qu'on commande ? C'est ici qu'on commande ! Ouais ! Bien joué ! Bravo, messieurs ! On est passé à deux doigts de la catastrophe. Franck Salin, quand Hume écrit dans le premier livre, quatrième section, chapitre 6 du traité de la nature humaine, que l'esprit est une sorte de théâtre et que ce ne sont que les perceptions successives qui constituent cet esprit, dit-il autre chose que ce que nous montre le studio Pixar dans le dessin animé Vice Versa dont nous venons d'entendre un extrait ? Alors, je ne connais pas bien ce dessin animé, mais ce qui, y a, le rapprochement peut se justifier, c'est-à-dire il y a une certaine fugacité des réalités. Le temps est en mouvement et on ne parvient pas à donner une image fixe de ce dont il est question. Je crois que quand Hume propose cette analogie avec le théâtre, il est très bien inspiré d'abord, parce qu'il peut progresser en deux temps. D'abord, il aide à comprendre par une représentation imagée du problème ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est que des représentations se succèdent et rien ne permet de remonter jusqu'à un sujet qui serait stable. Et puis, dans un deuxième temps, il corrige lui-même son analogie, ce qui rend encore plus explicite sa méthode sceptique, c'est-à-dire que en expliquant que l'esprit n'est pas un théâtre, on pourrait s'imaginer l'esprit comme un théâtre, mais l'esprit n'est pas un théâtre, car ça supposerait que l'on puisse fixer un lieu, il enfonce le clou, si l'on veut, en disant « il faut essayer de comprendre la production des idées sans les faire dépendre, ces idées, d'une substance qui serait la pensée, le moi, l'âme ou toutes ces catégories qui ont été employées avant lui et qu'il associe à la philosophie du passé, philosophie abstraite, qui au fond, et ça c'est la grande tradition aussi logicienne, analytique, qu'il associe à une illusion concernant l'emploi des mots. Une fois qu'on a le mot, on n'a pas encore établi l'existence de la chose. Mais alors, quand il écrit « l'esprit est une sorte de théâtre où des perceptions diverses font successivement leur entrée, passent, repassent, s'esquivent et se mêlent en une variété infinie de positions et de situations », là, on peut penser à l'extrait. Effectivement, on entendait les différentes émotions qui constituent le cerveau de cette petite fille, Riley. Mais là où peut-être il y a une différence entre les deux, c'est que si je vous suis bien, Hume va plus loin en disant que l'idée même d'une personne ne signifie rien. C'est-à-dire que même Riley, la personne, ici appelons-la Riley, ne renvoie à aucune existence. Au fond, on a pas, notre prénom ne nous renseigne pas, ne présuppose pas une identité personnelle. C'est ça, c'est-à-dire que la personne a une existence, ne serait-ce qu'en ayant un corps, en ayant un nom. Donc, cette personne appartient à une société, elle a des interactions avec d'autres personnes, donc elle existe bien. Mais ce qui n'existe pas, c'est l'identité. C'est-à-dire qu'il est possible que, il y a une identité sociale, mais l'identité au sens métaphysique, elle n'existe pas. Ou alors, si elle existe, nous n'avons pas les moyens de l'atteindre. De la connaître, car il n'y a pas de choses qui correspondent, il n'y a pas non plus d'expérience, il n'y a surtout pas d'expérience qui corresponde à la saisie de cette chose. On ne peut pas faire l'expérience de soi comme une réalité stable. Alors bien sûr, les philosophes ont trouvé toutes sortes de solutions. La solution classique, c'est de dire que, mis à part la substance pensante évidemment, mais après Descartes, puisque l'objection a été proposée par d'autres, hein, Locke en particulier. Donc la solution qu'on peut considérer comme la solution classique, c'est de dire que la personne, l'individu, est unifié par sa mémoire. Donc être quelqu'un, c'est avoir la mémoire de ce que l'on a été et connaître aussi, par ses dispositions, ce que l'on sera. Mais pour un philosophe exigeant, cela ne constitue pas une identité. Au mieux, une histoire. Et cette identité, il faut la reléguer aux oubliettes. La notion même d'identité, pour Hume, c'est une illusion qui nuit au cheminement de la pensée. Alors, lui a une réponse que l'on retrouve donc régulièrement, hein, qui consiste à dire qu'il faut faire la différence entre le travail philosophique qui permet de dissoudre les illusions et puis la vie réelle. Donc, dans sa vie réelle, Hume lui-même a une certaine identité sociale et même une identité individuelle qu'il associe au tempérament. Donc il n'arrête pas, enfin il emploie régulièrement le terme tempérament. Hein, j'ai un tempérament égal, un tempérament, une passion dominante qui est la gloire littéraire. Donc la personne finalement, c'est un ensemble de tendances fondées sur un tempérament et une histoire. Mais le critère de l'histoire qu'avait adopté Locke ne permet pas d'établir une identité. Ça rejoint aussi le problème de la causalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai été fidèle jusqu'en 2019 que je serai fidèle en 2020. Hein, c'est pas parce que ce qu'on m'a servi, ce que j'ai mangé au restaurant m'a toujours plu jusqu'à 2019 que le mois prochain je serai satisfait de la même chose. Je peux pas anticiper. C'est pas parce que le soleil s'est levé chaque matin depuis que je suis né qu'il se lèvera demain. Voilà, le soleil ne se lèvera peut-être pas. En principe, en termes de probabilité, d'ailleurs, il ne se lève pas. Mais il y aura de la lumière demain. Mais je ne peux pas le prouver par avance. Je peux pas l'estimer établi. Alors pour l'identité personnelle, c'est encore un petit peu différent. C'est surtout par rapport à l'ancienne idée de l'identité que Hume se bat, et aussi pour faire comprendre quelque chose d'inédit. Il faut donc, et c'est une problématique toujours valable aujourd'hui, hein, il faut donc trouver de nouvelles façons de penser ce qui constitue une personne. Hein, si ce n'est pas une réalité en soi, une âme par exemple, ou un ensemble de caractères fixes, alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est seulement le fait d'avoir le même nom, les mêmes gènes, pendant une certaine durée ? Ce n'est pas seulement le vent des événements qui m'agite selon sa direction. Je m'agite et me trouble moi-même aussi du fait de l'instabilité de ma situation. Mais celui qui s'observe ne se trouve guère deux fois dans le même état. Je donne à mon âme tantôt un visage, tantôt un autre, selon que je la tourne d'un côté ou de l'autre. Si je parle de moi de diverses façons, c'est que je me regarde diversement. Toutes les contradictions s'y retrouvent, d'une façon ou d'une autre, timide et insolent, chaste et luxurieux, bavard et taciturne, actif et languissant, intelligent et obtus, morose et enjoué, menteur et honnête, savant et ignorant, prodigue et avare. Je vois tout cela en moi, en quelque sorte, selon l'angle sous lequel je m'examine. Je ne peux rien dire de moi absolument, simplement et solidement, sans confusion et sans mélange d'un seul mot. Le texte que je viens de lire, Franck Salin, n'est pas de David Hume, il est de Michel de Montaigne. Les essais de Michel de Montaigne, publiés en 1580, c'est-à-dire bien longtemps avant le texte de Hume. J'allais vous poser la question de la nouveauté des thèses humiennes dans l'histoire de la philosophie. Et le fait de convoquer Montaigne montre bien qu'en fait, cette dissolution de l'identité ou cette négation de l'identité comme substance le précède. Montaigne, en France en tout cas, fait exactement le même travail. Oui, oui, il y a beaucoup de similitudes entre les questions que pose Hume et même les choix littéraires que va faire Hume après le traité et les essais, justement. Il les a lus, Hume a lu les essais de Montaigne? Oui, je pense. Il connaît d'autres grands classiques. Il connaît aussi l'œuvre de Malebranche. Il renvoie à Malebranche. Il a lu Descartes, évidemment, mais certainement les moralistes et avant eux, Montaigne. Il connaît toute la tradition sceptique. De toute façon, Montaigne lui-même s'inscrit dans une tradition. Alors, là, on peut voir deux choses, c'est-à-dire il y a le fait de faire coexister des points de vue dans un texte. Hein, ça, c'est ce que permet l'essai et le dialogue, et qui est en quelque sorte une traduction ou une transformation à partir de la tradition des hypotyposes pyrrhoniennes. On va rendre visible en associant une thèse. Pyrrhonienne, ça vient de Pyrrhon, oui, qui était l'un des plus grands sceptiques de l'Antiquité. Oui, c'est ça, un grand philosophe à sa façon, hein, mais auquel on associe encore au XVIIIe siècle le doute poussé jusqu'à l'absurde. Et Hume rejette la radicalité pyrrhonienne, mais néanmoins, avec Montaigne et d'autres, hein, il retrouve le lien entre la variété des formes littéraires ou la pluralité des voix dans un texte et la spéculation. Au fond, il est plus logique, quand on est sceptique, de ne pas avancer par proposition, hein, de ne pas avancer par affirmation, mais de mettre en présence des thèses différentes, voire opposées. Voilà. Donc, ça, en ce sens-là, oui, Hume a inventé une forme de philosophie, mais il a retrouvé des formes traditionnelles d'écriture, de communication philosophique, ce faisant. D'où le terme même d'essai, d'ailleurs. Oui, oui. Qui est passé dans la langue anglo-saxonne, d'ailleurs, anglaise, oui. On parle d'essai. On essaie. Oui. C'est-à-dire qu'on affirme, on conclut pas, on essaie, dit Montaigne. Oui, il y a donc enquête, essai, dialogue. Hein. Ce sont trois façons de ne pas répondre. Alors, on s'arrêtera plus précisément sur la question de la causalité mercredi, avec la question de savoir si on est sûr que le soleil se lèvera demain, de voir comment la déconstruction de la catégorie de causalité a quelque chose de révolutionnaire là aussi en philosophie. Mais quand même, Franck Salin, pour aller jusqu'au bout de notre réflexion aujourd'hui, que faut-il penser? Que reste-t-il de la vérité dans un univers sceptique? Est-ce que ça veut dire, si toute idée que nous avons vient d'une impression qu'elle reproduit, bah, qu'il n'y a pas de vérité en soi, et donc qu'il n'y a pas d'objectivité, et que nous sommes dans un relativisme absolu? Non, alors ce serait évidemment sur le plan spéculatif une possibilité, c'est-à-dire le fait de renoncer à parler même de la réalité. Ça, ce serait au fond la conséquence d'un pyrrhonisme réel. Mais ce n'est pas ce que fait Hume, et c'est peut-être ce qui est le plus troublant, hein, d'un point de vue social cette fois, du point de vue philosophique, le plus admirable, c'est sa capacité à aller jusqu'au fond des problèmes. Pour un penseur qui a débuté le traité alors qu'il s'était, il avait choisi de s'isoler en France, hein, et proche par l'esprit et par le lieu de Descartes. Hein, donc il refait tout le trajet de la métaphysique, mais pour détruire la métaphysique. Il va à la flèche d'ailleurs aussi. Oui, voilà, exactement. Donc ça, c'est ce qui est le plus admirable d'un point de vue proprement philosophique. Mais un penseur comme Hume ne distingue pas tout à fait les deux. On est les deux à la fois. C'est le même homme qui parfois est mélancolique et qui parfois retrouve le plaisir de vivre avec ses amis. Alors si on essaie de prendre l'ensemble, c'est-à-dire le fait que quelqu'un soit à la fois philosophe sceptique et en même temps qu'il ait le sens de la vie réelle, eh bien alors on peut se dire que ce qu'il apporte peut-être de plus original, c'est cette façon d'écrire. Donc il invente une nouvelle façon de philosophie dans des formes anciennes. Mais ce faisant, il renouvelle ses formes. On va écouter encore un extrait alors écrit par sa plume évidemment, de ses textes. Toujours un extrait des Essais moraux, politiques et littéraires. Dans une traduction de Gilles Robel, le texte est lu par Vincent Schmitt. Et c'est un effort de tentative de définition de ce qu'on appelle aujourd'hui le scepticisme. En un mot, l'existence humaine est gouvernée par la fortune plus que par la raison. Elle doit être tenue pour un passe-temps ennuyeux plus que pour une occupation sérieuse. Et elle est davantage soumise à l'influence d'humeurs particulières qu'à celle de principes généraux. Faut-il nous y engager avec passion et angoisse? Elle ne mérite pas tant de soucis. Faut-il être indifférent à tout ce qui arrive? Notre flegme et notre insouciance nous feront perdre tout le plaisir du jeu. Mais tandis que nous raisonnons sur la vie, la voilà écoulée, et la mort traite de manière égale le sot et le philosophe, même si peut-être elle reçoit d'eux un accueil différent. Réduire l'existence à une règle et à une méthode précise est une occupation ordinairement pénible et le plus souvent vaine. N'est-ce pas aussi la preuve que nous donnons trop de prix à la récompense à laquelle nous aspirons? Que dis-je? Raisonner à son sujet avec autant de soin et en déterminer la juste idée avec précision, ce serait déjà la surestimer s'il ne se trouvait que, pour certains tempéraments, cette occupation est l'une des plus distrayantes à laquelle employer sa vie. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Comment un homme qui a introduit une telle rupture radicale dans l'histoire de la philosophie, hein, c'est Kant qui aurait dit évidemment que Hume l'avait tiré de son sommeil dogmatique et donc avait permis l'engendrement des trois critiques par Emmanuel Kant, eh bien comment ce même homme peut-il en même temps d'un point de vue social, vous l'avez dit, être aussi mesuré, élégant, nuancé, et affirmer qu'au fond, peut-être la philosophie, c'est le cas de ce texte, serait une occupation, une des plus distrayantes à laquelle employer sa vie. Rien de plus, ai-je envie d'ajouter. Oui, là, c'est... Comme si c'était un passe-temps, en fou. C'est assez réjouissant, cette façon de faire tomber la philosophie à un rang d'activité parmi d'autres activités. Néanmoins, il ne faut pas non plus s'y tromper, il ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance ou que ça ne servirait à rien. Il relativise tout le reste aussi. La connaissance des sciences, la connaissance de l'histoire, tout cela est très utile. Mais cela reste de l'ordre des activités humaines. Or, les hommes ne savent pas très bien de quoi sera fait demain. Ils ne savent pas très bien qui ils sont. Et parmi les hommes, chacun a à vivre son existence à partir de ce qu'il est, c'est-à-dire de son tempérament et de ses propres passions. Alors oui, on a là une sorte de grand écart et de va-et-vient entre des questions absolument troublantes, des énigmes qui devraient nous empêcher de dormir, et puis des constats tout à fait pragmatiques, c'est-à-dire la vie m'appelle. Donc la philosophie de Hume, c'est aussi une philosophie qui se fonde sur l'évidence de la vie et du tempérament et des passions. Il est donc tout à fait logique dans sa perspective de considérer que si lui a consacré sa vie à la philosophie, c'est que la philosophie, alors il dit aussi la gloire littéraire, est sa passion dominante. Donc un philosophe, c'est quelqu'un dont la passion dominante est la philosophie. Il aime réfléchir, spéculer. Mais le philosophe doit quand même vivre. Donc c'est une réponse qui est tout à fait à l'opposé de celle de la grande tradition. Il ne dit pas qu'il faut demander au philosophe de diriger la cité ou qu'il n'y a rien de plus important que la philosophie. Il ne dit pas ça, puisque comment pourrions-nous dire que la philosophie est ce qui est le plus important alors que nous sommes en train d'expliquer que la philosophie elle-même n'arrive pas à prouver quoi que ce soit. Donc paradoxalement, c'est le plus sceptique qui se pose le moins de questions et qui avance le plus. Eh bien, il pose des questions abyssales. Or, celui qui pose des questions abyssales doit vivre. Et celui qui pose des questions abyssales aime poser des questions, c'est son tempérament. Donc le mieux qu'il puisse faire, c'est de s'entendre avec quelques amis sur ce qui est utile, ce qui est bon, ce qui est agréable, sachant qu'autour de lui, d'autres ont d'autres passions. Donc il faut faire coexister le plus intelligemment possible les passions. L'avantage de cette approche, c'est d'une part qu'elle est pacifique, en principe, en tout cas dans les rapports directs. Les rapports entre États, évidemment, se posent différemment. Mais c'est le style de vie qu'il dessine. Donc il a un style de philosophie. À mon avis, c'est l'un des plus grands philosophes de l'histoire de la philosophie, Hume. Mais philosophe au sens fort, c'est-à-dire qui cherche la cohérence derrière les mots, ou qui cherche s'il y a vraiment quelque chose derrière les mots. C'est ce qui a ouvert la voie ensuite à ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie analytique. Oui, alors il y a débat concernant les écoles exactement, mais en tout cas il y a une inspiration commune. Je crois que des penseurs comme Russell se réclameraient, ou se réclamaient, il est mort, mais se réclamaient de cette approche-là. C'est-à-dire ce qui le lie à cette tradition, ou ce qui lie cette tradition au texte de Hume, c'est ce dont nous parlons en ce moment, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de cadeaux. Vous êtes bien gentil lorsque vous parlez du monde, de la création, du moi, mais vous parlez sans expérience. Vous ne pouvez pas mettre en avant des impressions ni même des idées correspondant à ce dont vous parlez. Et en cela, Hume retrouve des arguments, mais sur un plan décalé, que l'on trouverait chez les matérialistes du 18e. Mais Hume ne fait pas le pas. Car devenir matérialiste, ce serait encore à énoncer des pseudo-vérités, bref, devenir dogmatique. C'est ça, son pire ennemi, c'est le dogmatisme. Oui, on ne peut pas affirmer non plus que la matière est le fondement de tout. Par contre, on peut être sûr que l'expérience est le fondement de tout, parce que c'est une activité que nous vivons. Nous sommes nous-mêmes faits d'expérience. Donc c'est un petit peu la réponse à Descartes. J'agis, je suis passionné, j'ai un tempérament, donc je suis. Mais encore faut-il avoir les moyens de mettre en mots cette expérience ? Oui, alors justement, ce que je suis, je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux que le constater. Donc quand je dis je suis, ça ne veut pas dire qu'il y a une essence. Hein. Il n'y a pas de substance qui est ou qui agit. L'activité est sa propre démonstration. Et donc je ne peux pas savoir exactement ce qui se passera demain non plus. Mais il y a de très fortes probabilités pour que moi, Hume, qui aime bien manger, qui aime bien parler avec des amis, eh bien, il y a de fortes chances pour que demain j'ai encore ces envies là, car c'est une de mes passions, tout comme écrire est une de mes passions et même ma passion dominante. Oui, il substitue la probabilité à la nécessité scientifique, hein, puisque selon toute rigueur, on ne peut pas postuler l'existence même d'une loi, puisque la loi a ce degré d'abstraction qui la coupe de l'expérience à chaque fois. C'est dire combien ça va loin. Est-ce qu'il faut entendre dans ce que vous dites qu'il y a aussi une dimension politique à la pensée d'Hume, ce qu'avait dit, mais voilà, on connaît bien son tempérament et on s'arrange pour vivre avec des personnes qui ont le même tempérament, ça c'est un fondement politique. Et lui-même s'est engagé, oui, il y a une carrière en partie du côté des affaires publiques. Oui, alors il a été secrétaire d'État, mais oui, il y a une perspective politique ou une ouverture vers une réflexion sur la société. Et ça, c'est assez typique d'ailleurs de la pensée écossaise de la seconde partie du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, au fond, il y a quelque chose de très sain dans cette façon de nettoyer un petit peu le terrain pour repartir à zéro s'agissant des fondements de la société. C'est un critique du contrat, par exemple. Il dit que le contrat est assez illusoire, puisque ceux qui sont censés avoir contracté le contrat ne pouvaient pas faire autrement. Donc s'il y a un accord entre les membres d'une société, il faut qu'il repose sur une dimension quasiment naturelle, mais une dimension naturelle qui a été sélectionnée en quelque sorte par l'artifice de la société. C'est-à-dire que la société est artificielle, mais il y a un moment où les individus peuvent cohabiter mieux si cette société ne vient pas nier complètement leurs propres aspirations, leurs passions, leur tempérament. Donc on va commencer avec Hume et d'autres à réfléchir davantage sur la coexistence des intérêts et sur la conscience que chacun peut avoir, que finalement, la vie sociale est la solution la plus acceptable, la plus agréable aussi pour les individus. Donc on est loin du fondement théologique de la société ou du fondement métaphysique de la société. Ce n'est pas une nécessité, ça aurait pu se passer autrement. Même si, à certains égards, et parfois il y a des petites tendances pré-darwiniennes, si on veut, même s'il ne cesse de parler de la nature. Hein. La nature a fait en sorte que les choses se passent de telle ou telle façon. Mais c'est pas une idée encore, la nature, justement ? Alors c'est un constat. Il y a vraiment une chose dont on ne peut pas faire l'expérience, c'est la nature, c'est un terme. Il emploie le terme, mais il ne définit pas la nature. Il ne dit pas ce que c'est. Mais il constate que la vie existe, autrement dit. Qu'il y a des tendances, qu'il y a un mouvement de l'existence. C'est de l'ordre du constat, c'est pas une substance. Il n'y a pas, à ma connaissance ou de mémoire, il n'essaie pas de définir la nature en général. Je ne crois pas. Alors, essayons une dernière expérience, toute dernière, on terminera avec ça quasiment, de mettre un Humien dans une société, on va dire dans un tribunal. Comment est-ce que quelqu'un qui fait qui brandit le scepticisme ou le bon usage du doute va interagir avec les membres du jury dont il fait partie? Écoutez. Vous y êtes, messieurs? Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable? Un seul, merci. 11 coupables contre un non coupable. Eh bien, nous savons à quoi nous en tenir. Bon sang, c'est toujours comme ça. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous expliquer. Bon sang, bon sang. Alors, vous croyez qu'il est innocent? Je n'en sais rien. Et vous avez assisté au procès comme nous tous, vous savez que c'est un assassin dangereux, c'est évident. Il a 18 ans. Mais l'âge n'a rien à voir. Nous savons qu'il a frappé son père d'un coup de couteau au cœur. Ça a été prouvé devant la cour de 12 façons différentes. Voulez-vous que je vous les énumère? Non. Enfin, que voulez-vous? Je veux seulement en discuter. Mais discuter de quoi, bon Dieu? On est 11 à le croire coupable. Aucun de nous ne discute la chose, si ce n'est vous. J'ai quelque chose à vous demander. Croyez-vous à ce qu'il raconte? Je ne sais pas si j'y crois ou non. Je pense que non. Alors comment votez-vous contre nous? Tout le monde votait coupable, alors... J'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant. 12 hommes en colère, le film de Sidney Lumet, 1957. Si le personnage joué par Henry Fonda vote non, c'est pas parce qu'il pense que le présumé coupable est innocent, mais c'est parce qu'il veut en discuter. Ça, une attitude sceptique, ça, Franck Salin? Oui, en tout cas, c'est une excellente attitude. Et là, on voit un lien possible, c'est vraiment un excellent choix, cet extrait, avec le scepticisme mitigé, c'est-à-dire qu'il n'affirme pas que c'est faux, il appelle au temps de la délibération, ce qui est une excellente hygiène de vie. En général? Oui, en général, et en particulier dans le domaine de la justice. Il vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois et peser les preuves. Voilà, donc je crois que le scepticisme de Hume est tout à fait compatible avec la recherche du juste. Merci beaucoup Franck Salin, on peut lire votre livre sur l'identité personnelle de David Hume aux éditions PUF. On se quitte avec une chanson sur la causalité d'ailleurs, quand on s'interroge sur les causes réelles qui conduisent aux actions comme conséquence, dans le domaine amoureux on n'a jamais de réponse non plus, c'est Michel Jonas, dites-moi. Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de Marthe pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça, dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Moussin-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce week-end, vous avez réfléchi à la notion de vigilance. Et oui, grâce à Emmanuel Macron, j'ai en effet réfléchi à cette notion de vigilance lors de son hommage mardi dernier aux victimes de la tuerie à la préfecture de police. Le président de la République a appelé à bâtir une société de la vigilance face à l'hydre islamiste. Notion presque absente du corpus philosophique, pourtant proche du concept d'attention, elle a suscité immédiatement les commentaires inquiets. Serions-nous en train de tomber dans les dérives de la surveillance ? Entre le simple souci porté autrui et son contrôle obstiné, où donc situer la vigilance ? Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance, et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. En appelant à une société de vigilance, Emmanuel Macron a mis la lumière sur une notion jusque-là peu utilisée, en tout cas en politique. La vigilance, définie comme la surveillance attentive et soutenue, était jusque-là plutôt utilisée pour nous mettre en garde contre la canicule ou les orages, ou par les médecins pour décrire l'activation du cortex cérébral pendant la phase de veille. Autrement dit, on avait recours à ce terme à des moments bien précis, d'éveil ou de danger. Installer la vigilance sur la durée, en faire une habitude, une manière de vivre en société, la transformer en état, semble presque contre nature, impossible. Imaginez, nous serions tout le temps en état d'alerte, sans cesse sur nos gardes, à guetter la moindre menace, à interpréter le moindre signal. Et pourtant, il faut le dire, Emmanuel Macron n'a fait que formuler ce qui était déjà dans l'air du temps, présent en chacun de nous. Faire attention à tout. Depuis les attentats de 2015, ou même avec la propagation de la haine sur Internet, ou le mouvement MeToo, nous sommes déjà, et sans y être clairement appelés, attentifs à tous ces petits gestes ou grands symboles qui menacent chacun d'entre nous. Attitude légitime, naturelle même pour survivre, pourquoi élever la vigilance au rang de principe de société pose pourtant un problème. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République, une séparation. Avec son discours, Emmanuel Macron a donc dit à voix haute et officielle ce qui était déjà diffus dans l'espace public, mais il s'est aussi inscrit dans tout un état d'esprit intellectuel, le questionnement de l'attention. Plusieurs essais, en effet, comme « Contact » du philosophe Matthew Crawford ou « La civilisation du poisson rouge » de Bruno Patino, déplorent notre perte d'attention dans un monde où celle-ci est déjà tout le temps mobilisée par Internet ou les informations continuent. Fatigués par cette constante animation, nous sommes pourtant appelés à redoubler de vigilance. Mais alors comment faire si l'on est déjà assailli par le flux du monde? Eh bien, il y a, comme je l'ai dit, le problème d'établir sur la durée une attitude temporaire et circonstancielle. Il y a aussi ce problème de devoir redoubler une attention qui est déjà sollicitée. Mais au fond, il y a, et tout concourt à cette bizarrerie, un problème même sur ce qu'on entend par vigilance. Car celle-ci ne consiste pas à être plus attentif, curieux ou à mieux porter attention à l'autre par souci. La vigilance est plus que l'attention que la philosophe Simone Weil définissait comme la suspension de sa pensée, proche de l'éveil oriental, vide et disponible à l'objet, sans avoir pourtant à utiliser ses connaissances. La vigilance est même le contraire de cette attention, non pas disponible, mais sans cesse préoccupée, pleine d'informations à mobiliser pour se protéger du monde et de certains en particulier. Ça fait déjà 15 ans que le mouvement des voisins vigilants se développe en France. Au départ, il s'agissait de quelques associations de quartier. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Voisins Vigilants qui pilote ce formidable élan citoyen, avec 200 000 foyers inscrits dans le dispositif et 500 municipalités qui sont devenues des mairies vigilantes. Il s'agit vraiment d'un mouvement de grande ampleur. Et vous savez pourquoi? Parce que ça marche. Et quand je dis ça marche, je veux parler de moins 40% de cambriolages, selon le ministère de l'Intérieur, dans les quartiers voisins vigilants. Comment est-on passé naturellement d'une culture de l'attention, bonne ou mauvaise, à une politique de la vigilance qui en est le contraire? Et comment quand même rester attentif sans tomber dans la vigilance? C'est le philosophe Matthew Crawford, le philosophe américain, qui nous donne la réponse dans Contact en partant de son expérience de motard. Pour lui, regarder le danger est précisément ce qui nous fait buter dans le danger, alors que regarder au-delà nous permet au contraire d'y faire attention, de l'éviter sans en avoir fait le but de notre voyage. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon Delasselle avec Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Sonia Leglen à la réalisation cette semaine, Élise Leu à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du philosophe David Hume. Demain, nous serons en compagnie de Claire Etchegaray et on se posera une question, la question que s'est posée Hume. Tous les goûts sont-ils dans la nature ou bien y a-t-il une norme ou une règle du goût et du bon goût? C'est une question passionnante autour de laquelle nous n'avons pas fini de nous étriper autour de la table. Et bien demain, de 10h à 11h, on posera frontalement la question. Il n'est pas sûr qu'on ait une réponse. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez l'écouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. L'équipe des Chemins de la philosophie vous y attend. À demain, 10h précise. Nous, on sera là. Quant à vous, restez à l'écoute sur France Culture.